Je en luxe. Je en luxe. Luxe, je en luxe. Je en luxe. Je en luxe. Je en luxe. Je en luxe. Je en luxe.